83. Ok. Alors, Titi, vas-y. Attends, je t'envoie un drum. Est-ce que je fais écouter quelqu'un? Salut, Francesco. Comment ça va? Drum. Je me rappelle plus quel truc était tout à l'heure. Bon, attends, je te rebalance ça même, d'accord? C'est R&B Soul. Oh, salut Titi. Salut Chata. On est à combien là? 90. On reste à 90? Ouais, Titi et Rosminette. Miaou. Oh putain, j'allais le balancer, ça s'en va. Ça marche plus mon son. Ça va, hein, petit shadow. Attends, j'ai plus de son. C'est quoi le délire? Merde. Ma drum, elle veut plus. Ah bah oui, qui est con. J'avais descendu le son. Savoir, hein. Tout à l'heure tu m'as dit que c'était pas assez fort et là c'est même moins fort que tout à l'heure. Thank you. ça se rendort là. Thank you. Bye, Shadow. Eh oui, on n'a plus de basse. Eh oui, fallait que j'improvise. Hein. J'ai un problème avec ma souris. Funk. Non, allez, jazz. Oui, c'est compliqué. Merde, j'ai raté le coche. C'était mon fils. Il s'excitait sur sa Xbox. Thank you. Là-dessus. Je décale. Alors, le titi, il est bon ou quoi? Alors, attends, je change. Ah,